naissant, elle danse, perdue dans ses idées blanches. Elle s'applique à traverser l'univers glacé. Elle sourit, elle s'abandonne. Elle a grâce et le talent d'une diva, d'une madone. Défiant l'espace et le temps, les gens savants s'émerveillent. Un coup de massue en plein cœur, y'a des étoiles qui font réveil. Ça doit ressembler au bonheur. Incandescente, elle brûle sa vie à danser là. Sous la lumière majuscule allume un grand feu de joie. Elle s'applique, elle s'abandonne dans les éthers de l'inconscient, dans les ailleurs de sa personne. Évanescente, telle une enfant, les gens s'avancent émerveillés. Un coup de massue en plein cœur, y'a des étoiles qui font rêver. Ça doit ressembler au bonheur. Truc approximatif, hein. S'en fout. Merci à vous.